T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Épisode numéro 392 de Planète Indie, et pour le commencer, bien entendu, je vous souhaite une excellente année 2008. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes et que l'année qui se présente, elle s'annonce sous les meilleurs auspices pour vous, que ce soit au niveau personnel, professionnel, au niveau de la santé. Enfin donc, tout ce que vous voulez, que tous vos rêves se réalisent. Nous, on est là pour vous faire profiter et découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, en tout cas le meilleur de la musique que vous n'entendez nulle part ailleurs, et on pourrait presque dire malheureusement. Au programme d'aujourd'hui, une heure et demie de découverte musicale. On va écouter les Syndromes, on écoutera Glory Fades, ou on écoutera un extrait du nouvel album du groupe Ivory Tower Project. Puis on ira bien sûr à la découverte d'un album Power Play. Trois extraits, vous le savez maintenant, dans cette émission. On ira du côté des États-Unis, je vous en dis pas plus. Si vous étiez avec nous en 2017, je vous ai déjà donné des indices. On va commencer tout de suite avec la plage d'ouverture d'un album, du nouvel album des Pink Dust. Enfin, quand je dis nouvel album, il est sorti l'année dernière. Il s'appelle Night Vices, et la plage d'ouverture s'appelle, je vous le donne en mille, Night Vices aussi. On les avait découverts avec leur album éponyme il y a 2-3 ans, et ils sont revenus donc avec cet album Night Vices. C'est les Pink Dust, et puis après cela, ce sera le groupe chypriote Delirium Elephants avec le morceau 10. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Of the sky, pull the shade down tighter and the sheets over our heads. Sun hits the horizon, look at you, we're back again. Here comes the night, the time that we light up, just like fireflies. Here comes the night, we start to come alive, and then we lose our mind. Here comes the night, all the secrets tucked away from prying eyes. Here comes the night, I can't remember, but a picture never lied. Here comes the night. I wish I could stay asleep today, only for an hour, cause I'm standing in the rain. In my mind I promise that I'll not do it again. Sun hits the horizon, look at you, we know it then. Here comes the night, it's time that we light up, just like fireflies. Here comes the night, we start to come alive, and then we lose our mind. Here comes the night, all the secrets tucked away from bright eyes. Here comes the night, I can't remember, but a picture never lies. Here comes the night, it's time that we light up, just like fireflies. starts to rise. Sounds up from the street into our heads, we can't deny. Grabbing hands around us and we're too weak to resist. Our resolve is broken, cause the night we'll never miss. Here comes the night, the time that we light up, just like fireflies. Here comes the night, we start to come alive, and then we lose our minds. Here comes the night, can't hold the secrets tucked away from prying eyes. Here comes the night, I can't remember, but a picture never lies. Here comes the night. Here comes the night. Here comes the night. Here comes the night. Days checking my phone. Are you there? Are you there? Telling my friends, the only judge me, saying to me, stay away, stay away. Can't stop thinking how you look at me. Can't stop thinking how you say my name. Say goodbye to you. Voilà, l'instant dans les oreilles, c'était un peu particulier. Hein. C'était le groupe Les Syndromes avec le morceau Password Indoor 10. Je ne sais pas le syndrome de quoi ils souffrent, mais On peut se poser certaines questions en écoutant ce morceau, hein. Avant cela, je vous rappelle, j'annonce parce que je ne l'avais pas annoncé tout à l'heure, le groupe Very Loud Death. Bah oui, tant qu'à faire à souffrir de quelque chose, on arrivera toujours un jour ou l'autre à cette ultime extrémité. Very Loud Death avec The Haze of Absurd Sky. Et on a commencé cette émission avec les Pink Dust et puis le groupe chypriote Delirium Elephants. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre album Powerplay. Je vous dis qu'il va nous emmener dans l'état de New York, du côté de New York. Bah, je ne vous en dis pas plus, je vous le dirai tout à l'heure. Si vous voulez la localisation plus précise, eh bien, il faudra patienter un tout petit peu. Pour l'heure et avant cela, on va encore écouter un autre morceau. C'est une nouveauté, on ne les a pas encore entendus dans cette émission. Il s'appelle Scratch avec le morceau intitulé Soak. We'll be right back. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la programmation de ce début d'émission ? J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas autant qu'elle m'a plu en la préparant. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur celle-ci, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous appeler, donner un petit coup de téléphone au 26 54 00 44, précédé du 00352 si vous nous appelez de l'étranger, bien entendu. Ou alors, eh bien, vous nous rejoignez sur Facebook, le groupe Planète Indie. Et eh bien, de là, vous pouvez directement communiquer avec nous et ça nous fera très plaisir. Pour l'heure, il est 17h26, il est grand temps de passer à notre album Powerplay pour ce mois-ci. Alors, je vous avais dit qu'il allait nous entraîner du côté des États-Unis. Eh bien, nous allons aller du côté, dans l'état de New York, du côté de la ville de Valley Stream. En effet, une décennie après leur premier album, Papa Zatch est de retour avec un fantastique nouvel album qui s'intitule So Far Till Now, un album rempli de morceaux entraînants avec une âme et une histoire derrière chaque chanson. Je vais vous l'expliquer cela un peu plus d'ici quelques minutes. Papa Zatch, donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, c'est un alias, un pseudo pour un... C'est bien un groupe, hein, c'est pas une personne. Même si eh bien, il est composé de Papa Zatch, bah oui, alias de son vrai nom, Bob Sacknoff, qui est accompagné pour l'heure de son pote qui s'appelle Steve Ronson. Steve qui a écrit beaucoup les paroles. Et Bob, eh bien, qui a composé, lui, la musique. C'est un album, eh bien, qui fait penser énormément à Tom Petty, Bon Jovi, ou encore Bruce Springsteen. Je vous disais que, eh bien, c'est un album dont toutes les chansons ont une histoire derrière elles. En effet, c'est en 2016, suite à la mort soudaine du papa de Bob, alias Papa Zatch. C'est ce décès donc qui a servi de catalyseur, on va dire, pour le début de cette nouvelle aventure musicale. Bob a convaincu son ami Steve de commencer à discuter du projet de faire un nouvel album, en quelque sorte de tirer parti de la créativité qui est née de cette émotion pour composer un nouvel album. Et c'est ainsi donc qu'a vu le jour cet album So Far Till Now. On va en écouter un premier extrait qui s'intitule Oh Sarah. Donc je vous ai pratiquement tout dit pour l'instant. On apprendra un peu plus tout à l'heure sur cet album So Far Till Now de Papa Zatch. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. On en écoute un premier extrait, on en écoutera 3 d'ici 18h30. Pour l'heure, on écoute Oh Sarah. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. For something here to stay. Do you wanna worry about today? Do you wanna hurry? Do you wanna go? Try to run away from things you know. We'll left inside my voice. Had to run away from all the things you knew. Had to start all over for the truth. Listening to Planete Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. My name is Josh from Stone Diamond. You're listening to Planet Indie. more, fill my lungs, let love it just be. Let your side hide away, you're the form of air that I need. Lose your breath, our fire burns, just let your lips tell me about my mind. I'll wait to learn, find out what you could be. I inhale, I exhale. Un peu plus samedi soir avec à l'instant E. Bennett, To Smoke Fill My Lungs, et avant cela Latoya Star, No Competition. On poursuit avec Eva, The Friends of Barry. Eva avec, elle vient de le dire, Get Up On Your Feet, et puis après ce sera une autre nouveauté, Zerrin et le morceau Mercury. And dance with me. Let me take it higher, get into the groove. Get up on your feet and come over me. I wanna see you dance, wanna see you high on move. Yeah. So come on, let me take it higher, higher, higher. Show me what you can do. Oh, Elle s'appelle Zerrin, et comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte, elle a une formation plutôt classique dans son chant. Elle nous interprétait le morceau Mercury, donc aucun doute, on l'écoutera encore d'autres fois dans cette émission. Je vous rappelle, vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Vous pouvez nous écouter aussi donc sur les ondes, c'est sur le 96.6 FM. Vous pouvez aussi nous écouter sur le câble télédistribution PET, Belga comme Proximus, donc maintenant en Belgique. Vous peut-être aussi, et puis sur Internet, bien entendu, soit sur le site RGL, soit sur le site de Planet Indie, www.ilovemusic.ga, ilovemusic.ga. 17h49, retour sur notre album Powerplay, celui que je vous annonçais tout à l'heure, donc l'album So Far Till Now de Papa Zatch. On a écouté Oh Sarah tout à l'heure, et puis je vous disais que le groupe Papa Zatch, eh bien, c'était en fait un duo composé de Steve Ronson et de Papa Zatch. Alors Papa Zatch, il est chanteur, compositeur, producteur, de son vrai nom donc il s'appelle Bob Sacknoff. Il a entamé sa carrière musicale en tant que membre fondateur de plusieurs groupes indie de la région de Long Island, comme le groupe Black Horizon, Blank Stare ou Mercy Heat. Il a aussi fait partie du groupe de rock Spoof. En tant que producteur, il a aussi sorti l'album Actress Dogging It, sur lequel il chantait, pour lequel il a écrit, et donc c'est lui qui a donc produit et sorti cet album. Bob a débuté donc son itinéraire musical, on va dire, à un âge très jeune. Il a été plongé dans la grande musique des années 60 et 70, et ses références, eh bien, sont des gens comme Smokey Robinson, Neil Young ou encore les Beatles. Il a commencé à jouer à l'âge de la guitare à l'âge de 14 ans. Et puis après, donc, il a fait partie donc, de plusieurs groupes, et il a notamment beaucoup joué dans des concerts pour des œuvres de charité, dans des fêtes d'école, essentiellement donc avec son groupe Black Horizon Blank Stare. Que vous dire d'autre? Il a participé à d'autres groupes aussi. Il a produit deux albums auto-diffusés, auto-produits, auto-sortis par lui-même. Les albums Fall Down et puis un album qui s'appelle All Open Dreams. Il a gagné le Golden Viking Award for Best Acoustic Rock Artist en 2007. Que vous dire d'autre? Eh bien, c'est à peu près tout pour l'ami Papa Zatch, alias Bob Sacknoff. On ira un peu faire un petit tour aussi plus court, malheureusement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations que j'ai pu trouver sur Steve Ronson un peu plus tard. Pour l'heure, donc, retourne à la musique. On écoute un second extrait de cet album. Le morceau, cette fois-ci, s'intitule Shallow Water. Je vous rappelle donc que c'est sorti sur l'album So Far Till Now, qui est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, et l'artiste... Enfin, l'artiste, le groupe, ça dit, s'appelle Papa Zatch. Power play. Power play. Put me to my knees. I came to you with all my time. Still you look at me like everything's alright. Your own way to feed your appetite. Well, don't come crawling back my way, because I'm off to a better life. You said all the life that I offered, you'd rather drown in the shallow waters than try. Baby, don't cry to me, try to pull me under, 'cause I don't wanna drown in your shallow water. Maybe it's time to see all the things you've done to me, 'cause I don't wanna drown in your shallow water. Yeah. Now the truth unfolds. You thought that you could do better than me. You know I'm standing tall, I'm feeling just fine without you. You said all the life that I offered, you'd rather drown in the shallow waters than try. Try, baby. to me. I don't wanna drown in your shallow water. I don't wanna drown in your shallow water. You'd rather drown in the shallow waters than try, try. Baby, don't cry to me. Try to pull me under, 'cause I don't wanna drown in your shallow. Baby, don't cry to me. Try to pull me under, 'cause I don't wanna drown in your shallow water. See all the things you've done to me, 'cause I don't wanna drown in your shallow water. le groupe Glory Fades, It Are It Again, pardon. Je voulais annoncer en commençant cette émission, on va aussi découvrir un nouvel extrait du nouvel album de Ivory Tower Project, un groupe eh bien, qui fait un peu penser aux Foreigners des années 80. Et eh bien c'est tout de suite, Please Tell Me, la version alternative, alternate version. You were leaving. Please tell me it ain't so. I heard you were leaving and you're never coming back. No, you're never coming back anymore. Please tell me it ain't so. Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. The Lord gave and the Lord took. That's the dirty gave of the look. She can choose. She can get what she's pointing out. Money's not an exception to that. She's a sometimes fancy houses she requires Italian suit. Just one glance and you can see. Heaven knows that she's got the attitude. I'm too charmante, très rieuse, précieuse, on la complimente. Quand t'es parle, le monde l'écoute avec le sourire. Quand t'es danse, tu penses comment tu vas la courir. Ce mouvement de hanche, ce regard coquin, c'est toute son attitude, tu dis es-tu, mais tu t'en mens bien. Elle t'a déjà allumé, elle va te fumer comme un gros joint. Attention copain. I'm too delicious, I'm too delicious for love. I'm too delicious, I'm too delicious for love. De musique que vous pouvez peut-être entendre si vous sortez ce soir en boîte. Blue Eyed Soul Decay, Delicious. Avant de retourner sur notre album Powerplay, on va écouter un autre morceau par ACJ alias Anthony Carlos Gauguin, un morceau qui s'intitule Black Magic. We'll be right back. grip rip Sweden. Can't get me down. Black magic burn is spelling me. Just since it began, I'm on the way down. Black magic burn is spelling me. Just since it began, I'm on the way down. Black magic burn is spelling me. Just since it began, I'm on the way down. Black magic burn is spelling me. It's spelling me. Black magic burn is spelling me. It's spelling me. Black magic. Voilà, c'était ACG avec Black Magic. Il est aussi très actif dans notre groupe Facebook, donc si vous voulez le contacter, n'hésitez pas, vous nous rejoignez sur Facebook. Et puis le site internet de Planète Indie, c'est www.ilovemusic.ga. Retour sur notre album Powerplay, le troisième et dernier extrait pour ce soir. Il s'agit donc de l'album So Far Till Now de Papa Zatch. Papa Zatch qui est constitué de Bob Sacknoff, on en a parlé tout à l'heure, et aussi de Steve Ronson. Alors je vous ai annoncé tout à l'heure, ça va être beaucoup plus rapide concernant sa biographie parce qu'il y a beaucoup moins d'informations qui circulent. Alors Steve Ronson, c'est un chanteur très versatile. Il sait tout faire, hein. Il sait jouer de la guitare, de la basse, des percussions, et il sait aussi chanter. C'est aussi un compositeur et donc un musicien avec sa propre marque de musique pop rock, fort influencé donc par la guitare en premier plan. Il a aussi gagné plusieurs récompenses en tant que directeur musical, et puis il fait partie du groupe Quick Draw. Il a joué avec des gens comme Eddie Money ou Charlie Daniels. Je vous ai mis sur notre groupe Facebook aussi un lien où vous pouvez écouter ou pré-écouter en tout cas l'ensemble de cet album So Far Till Now de Papa Zatch si vous voulez en savoir plus. Le troisième extrait qu'on écoute pour aujourd'hui, c'est Run For Cover. C'est Papa Zatch, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Search for my soul to be found. I had my heart and my dreams, they were fading. I set my goal to this journey. I am bound. On the line. Touch my toes, and I know I should be fighting with Omega 3 and Brian, Shaq's cartilage capsules, glucosamine on spam. I could be fighting with screenings and out and slowing down the flows. He's crumbling my joints, drying out my loins, hairing up my orifices and brows. And I come out fighting with alcohol and smokes. I come out fighting with sexually unrealistic hopes. Come out fighting with magazines and naps. Come out fighting with what the hell is that? come for me. Save me from my sins, from the devil, the fall, and daytime TV. Save me from this age, this small and lonely cage. Je suis fondamentalement désolé pour John Parks et tous ses fans. On va devoir raccourcir un tout petit peu le morceau, pas beaucoup, hein, quelques secondes quand même, quelques dizaines de secondes. C'était The Devil Takes, extrait de son nouvel EP, The Virtually Alive EP, le morceau The Devil Takes. On arrive quand même rapidement à la fin de cette émission. Allez, en vitesse, le programme de la Rockale. Alors ça va être facile, on va gagner un peu de temps. Entre le 9 janvier et le 14 janvier, eh bien tous les soirs, vous avez le Dirty Dancing. Ensuite, du 17 janvier au... Du 17 janvier au 21 janvier, c'est La Belle et la Bête. Mais attention, ce sont aussi bien Dirty Dancing que La Belle et la Bête. Ce sont des versions allemandes. Attention. Ensuite, le 27 janvier, Schwanzé, le Lac des Cygnes. 30 janvier, Lord Huron. 31 janvier, David Guetta. 2 février, Lonepsy. Et puis 4 février, Carmina Burana. 4 février, eh bien, ce sera le lendemain de notre prochaine émission. Et au cours de notre prochaine émission, eh bien, on aura aussi un nouveau powerplay. Et je pense que c'est ce qu'on va écouter maintenant. Ce sera elle, notre powerplay pour l'émission 393 du mois de février. Elle s'appelle Daisy Chapman. Et je vous propose d'écouter le morceau Home Fires. Three noses pressed against the window. Three faces pushed against the glass. New socks pulled right up to my knees. Anticipation never lasts. Faster, faster, daddy, faster. Let the cold air burn my cheeks. Whipping ponytail behind me. Oh, this sledge ain't built for three. Oh, you can't change the seasons. Stoke the fire. Let it glow. Mother's grieving for the summer. Children yearning for the snow. Gather wood and build a bonfire. Let's see how high it can go. Taller, taller, daddy, taller. Hope no hedgehogs make their homes below. Come in, come in, the night is closing. Burning fingers, burning toes. Let mother wrap herself around us. Pull the curtains and windows closed. Oh, you can't change the seasons. Stoke the fire and let it glow. Mother's grief for the summer, children yearning for the snow. Will I see? jusqu'à la dernière note, elle s'appelle Daisy Chapman. Le morceau s'intitule Home Fires et ce sera notre powerplay pour la prochaine émission qui se tiendra le 3 février. Ce sera l'épisode numéro 393 de Planète Indie, donc soyez bien au rendez-vous. Si vous voulez réécouter cette émission, vous avez deux possibilités. La première, c'est la rediffusion demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et la deuxième, c'est de réécouter le podcast que l'on va mettre à votre disposition sur le site internet de Planète Indie, www.ilovemusic.ga, ou sur notre groupe Facebook. Donc vous tapez Planète Indie dans Facebook et vous nous retrouvez. J'avais encore prévu deux morceaux pour aujourd'hui, on en aura le temps d'en passer qu'un. Ce sera un petit retour en arrière, un souvenir qui nous ramène et qui nous amène dans le sud de la France, dans le sud-ouest, avec le groupe Ok, la musique traditionnelle de cette région. On va écouter l'Oben et l'Omal, ça veut dire le bien et le mal, c'est pas trop difficile jusque-là. Pour vous annoncer aussi qu'ils viennent de sortir un tout nouvel album que je viens de recevoir aussi, donc vous en entendrez probablement un prochain extrait très bientôt. J'étais très heureux de passer cette première émission de 2018 en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Donc on se retrouve le 3 février pour une nouvelle émission en direct. À bientôt et bonne soirée, bon week-end.